Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François pour l'émission Mosaïque. De quoi sera-t-il question ce soir? Eh bien, pas mal du fascisme. Oui, parce que le fascisme se rapproche de plus en plus du pouvoir en France, en Europe et dans le monde en général. Comme il n'a jamais été aussi proche, parce qu'il y a eu le fascisme a été au pouvoir en Italie, en Espagne, au Portugal, en France sous Pétain, et puis surtout en Allemagne, le nazisme c'était une des formes du fascisme, eh bien donc ils n'ont jamais été aussi près du pouvoir depuis 70 ans. Hein. Et donc il est important de s'intéresser à ces gens-là. Hein. C'est pas qu'ils soient intéressants vraiment, mais il faut s'intéresser à ce qu'ils font, ce qu'ils risquent de faire, ce qu'ils risquent de nous faire, à nous, nos enfants et nos petits-enfants. Alors le fascisme, c'est quoi? Eh bien, il y aura un enregistrement là de 11 minutes et 17 secondes. Ensuite, une chanson de Jacques Brel. Brel, c'est ces gens-là. Hein. Dernier rendez-vous de Jean Moulin, par un témoin de l'époque, Lucien Aubrac. Le Média, grosse tambouille européenne. Hein, donc tout ça c'est lié. Hein, c'est le fascisme à l'époque de Jean Moulin, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et le fascisme montant actuellement, hein, qui s'infiltre dans les institutions dites républicaines, ou encore républicaines, ou encore un peu républicaines, peut-être plus pour très longtemps. Mais bon, ça c'est ma foi, voilà, faut voter bien, et c'est tout. Après c'est trop tard. Les Allemands, quand ils ont voté en 1933, 32 d'abord et 33 ensuite, qu'ils ont voté pour un certain Adolf Hitler, ils ne savaient pas qu'ils allaient provoquer une catastrophe, une guerre mondiale qui allait faire entre 60 et 70 millions de morts. Ils ne s'en doutaient pas, sinon ils auraient voté autrement, bien sûr. Et puis qu'il y aurait un Allemand sur six qui allait mourir des suites de cette guerre. Et puis 17 millions de Russes, etc. Enfin bref, une catastrophe mondiale. Catastrophe humaine, fantastique. Ensuite, eh bien, Bernard ici nous parlera du Parlement et le Mercosur. Hein. Ensuite, le D-Day, le jour du débarquement, hein, est toujours en relation directe ou indirecte avec le sujet du jour, le sujet de ce soir, c'est-à-dire le fascisme sous toutes ses formes. Le fascisme par des gens relativement intelligents, cultivés, etc. Et puis par tous les laquais qu'ils arrivent à tirer autour d'eux, des gens pas instructionnés du tout, qui ne réfléchissent jamais, qui suivent le mouvement de ceux qui les guident. Et voilà. Bon. Hein. Bon. Le guide en allemand, ça se disait Führer. En italien, c'était Duce, en espagnol, c'était Caudillo, vous voyez, et puis en France, c'était le maréchal Pétain, le bon maréchal. Hein. Alors, d'idées, BFM TV, championne de l'évasion fiscale, alors là, c'est une émission du Média, à propos de BFM TV. Ensuite, on entendra la chanson de Léo Ferré, La Mafia. Et puis, FO, énergie et mine, privatisation, Charline. Ben oui, il y a au moins une séquence de Charline. La course à la mairie de Paris. Oh là là, que c'est du sport. Alors, on va faire quelque chose d'un peu distrayant, parce que là, jusqu'à présent, c'était pas très gai. Hein. Et puis, Georges Brassens, La Mauvaise Herbe, état de santé anti-rhume. Alors, c'est dans la rubrique science. On va voir, il va être question des médicaments. Hein, du traitement du rhume, mais bon, les médicaments d'une manière générale. Hein, on voit qu'en ce moment, on manque de médicaments un peu partout dans le monde. Hein. Y a une redistribution qui se fait, y a des pays qui produisent des médicaments, des pays qui en consomment, des pays qui en produisent et qui consomment et qui vendent, etc. Puis des pays dans lesquels on manque de médicaments. C'est pas parce qu'on n'en produit pas, hein. C'est peut-être qu'on les vend à l'étranger parce qu'ils se vendent mieux et plus cher. Alors Brel, la chanson de Jacques Brel, bien, je l'y vois déjà. Le scandale du Watergate, Mélenchon athéo-croyant à propos de Notre-Dame, Et puis, Manon Oubry, de la France Insoumise, nous parlera du Parlement de Strasbourg, la mise en route de la machine du Parlement de Strasbourg, quel est le rôle du Parlement de Strasbourg, quel est le pouvoir des députés, quel est le pouvoir de la Commission de ceci, de cela. Voilà. On verra que la démocratie, elle ne pèse pas lourd au Parlement de Strasbourg. Les gens pour lesquels on a voté, eh bien, ils ont des pouvoirs très limités. La démocratie, c'est une caricature à Strasbourg. Eh oui, on aurait bien mieux fait de ne pas voter pour ces gens-là. Enfin, bon, et puis Daniel Guichard nous chantera « Mon vieux » et Lenny Escudero nous chantera « El paso del Ebro ». Bonsoir et bonne nuit. Le capitalisme est en proie à la plus grave crise économique depuis les années 30. Cette crise affecte tous les pays à différents stades. Cette situation est inhérente au fonctionnement du capitalisme, qui ne peut conduire qu'à des crises à répétition. Dans de telles périodes, les rapports de classe sont de plus en plus tendus, et la contradiction entre les forces productives et les rapports de production s'aiguise. La bourgeoisie cherche à répercuter les effets de la crise sur le prolétariat, aggravant ainsi la dégradation de nos conditions de vie, entraînant la légitime colère des masses populaires. Cependant, la classe ouvrière n'est pas spontanément révolutionnaire, et si elle n'a pas de parti puissant et suffisamment organisé, le fascisme peut sembler une alternative viable face à un rejet des politiques antipopulaires menées par les représentants traditionnels de la bourgeoisie. Une frange de cette bourgeoisie, représentante de la plus réactionnaire du capital financier, a un intérêt direct dans la montée du fascisme et la mise en coupe réglée de la classe ouvrière. Aujourd'hui, le fascisme sous sa forme moderne monte en Europe, appuyé directement par un appareil politique mettant en place les bases sur lesquelles le fascisme pourra se développer. Il s'appuie également sur l'appareil idéologique d'État, médias, écoles, etc., qui est capable de faire passer dans les masses ses thèses réactionnaires. Le fascisme s'appuie aussi sur les révisionnistes et la social-démocratie qui lie les mains de la classe ouvrière en l'enchaînant derrière les intérêts de la bourgeoisie et en lui ôtant sa force combative et sa puissance subjective. Et enfin, sur un parti fasciste, le Front National et des groupuscules fascistes. Face à cette situation, seul le développement d'un véritable parti communiste, d'un front uni regroupant la majorité du peuple sous la direction du parti et d'une force combattante, peut opposer une véritable résistance à la montée du fascisme sous sa forme moderne. Tout d'abord, je vais parler de l'impact du fascisme sur le prolétariat italien et allemand. Puis, je parlerai ensuite des bases idéologiques d'analyse du fascisme. Sous le fascisme, pour assurer l'ordre, on donnait au peuple quelques miettes. Il y avait des concerts et des événements sportifs gratuits, quelques maigres programmes sociaux, une allocation chômage financée essentiellement par les cotisations de salariés et des grands travaux publics. Les conditions de travail se sont énormément détériorées. Les syndicats et les grèves furent interdites. Les travailleurs ne pouvaient plus s'organiser. Les propriétés des syndicats et les coopératives agricoles furent confisquées et cédées aux grands propriétaires privés. Les lois sur le salaire minimum, sur les heures supplémentaires et les réglementations sur la sécurité sur le lieu de travail furent abrogées. Les cadences infernales devinrent la norme. Le licenciement ou l'incarcération attendaient les travailleurs qui osaient se plaindre de l'inhumanité ou de la dangerosité de leurs conditions de travail. Les salaires déjà modestes étaient sérieusement revus à la baisse, de 25 à 40% en Allemagne et de 50% en Italie. Le travail des enfants a même été réintroduit en Italie. Mussolini comme Hitler ont fait preuve de reconnaissance vis-à-vis du grand patronat en privatisant de nombreuses entreprises publiques parfaitement rentables. Des usines sidérurgiques, des centrales électriques, des banques et des entreprises de transport maritime. Les deux régimes ont abondamment pioché dans les caisses de l'État pour renflouer ou subventionner l'industrie lourde. Les deux États garantissaient un retour sur capital investi par les grandes entreprises tout en assumant l'essentiel des risques et des pertes. Dans le même temps, les impôts furent augmentés pour la majorité de la population, mais diminués, voire supprimés pour les riches et les grandes entreprises. Les taxes sur l'héritage touchant les riches furent également considérablement abaissées ou même abolies. Le résultat? En Italie, durant les années 30, l'économie fut empêtrée dans la récession, une dette publique écrasante et une corruption généralisée. Mais les profits des industriels grimpaient et les usines d'armement sortaient sans interruption de nouvelles armes pour la guerre à venir. En Allemagne, le chômage fut diminué de moitié avec l'expansion considérable des emplois liés à l'armement. Mais la pauvreté progressait en raison des coupes salariales drastiques. Entre 1935 et 1943, les profits industriels augmentèrent de manière substantielle, pendant que le revenu net des dirigeants d'entreprise grimpait de 46%. En Allemagne, les 5% des plus riches bénéficièrent d'un gain de 15% dans le revenu national. Le fascisme a pillé le prolétariat italien et allemand. Pour finir, cette bourgeoisie la plus réactionnaire, la plus furieuse, décida de mettre fin à la vie de plus de 50 millions de femmes et hommes en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fascisme est né dans les pays impérialistes au début du XXe siècle. La base matérielle sur laquelle le fascisme peut se développer est l'existence du capital financier, c'est-à-dire de l'interpénétration du capital bancaire et industriel et des monopoles capitalistes. Pour mieux expliquer cela, on peut s'aider de l'exposé de Hilferding. Une part, toujours croissante du capital industriel, n'appartient pas aux industriels qui l'utilisent. Ces derniers n'en obtiennent la disposition que par le canal de la banque, qui est pour eux le représentant des propriétaires de ce capital. D'autre part, force est à la banque d'investir une part de plus en plus grande de ses capitaux dans l'industrie. Elle devient ainsi de plus en plus un capitaliste industriel. Ce capital bancaire, c'est-à-dire ce capital argent qui se transforme ainsi en capital industriel, s'appelle capital financier. Le capital financier est donc un capital dont disposent les banques et qu'utilisent les industriels. Cette définition est incomplète dans la mesure où elle passe sous silence un fait de plus haute importance, à savoir la concentration accrue de la production et du capital, au point qu'elle donne et a déjà donné naissance au monopole. Mais tout l'exposé de Hilferding, en général, et plus particulièrement les deux chapitres qui précèdent celui auquel j'emprunte cette définition, souligne le rôle des monopoles capitalistes. Concentration de la production avec comme conséquence les monopoles, fusion ou interpénétration des banques et de l'industrie. Voilà l'histoire de la formation du capital financier et le contenu de cette notion. Nous ne pensons pas comme certains que le fascisme est une gangrène planant au-dessus de la société et que nous pourrions l'éliminer une bonne fois pour toutes sans changer les fondements même du système dans lequel nous vivons. Au contraire, nous pensons qu'il existe un lien dialectique entre fascisme et capitalisme, au même titre qu'entre capitalisme et démocratie bourgeoise. La démocratie bourgeoise est une forme politique de domination de la bourgeoisie en temps normal. Le fascisme en est la forme en temps de crise, une forme dictatoriale et terroriste qui exprime un bond qualitatif dans la forme étatique de la domination de classe par la bourgeoisie. Le fascisme, ce n'est pas une forme de pouvoir d'État qui prétendument se place au-dessus des deux classes, du prolétariat et de la bourgeoisie, ainsi que l'affirmait par exemple Otto Bauer. Ce n'est pas la petite bourgeoisie en révolte qui s'est emparée de la machine d'État, comme le déclarait le socialiste anglais Brailsford. Non. Le fascisme, ce n'est pas un pouvoir au-dessus des deux classes, ni le pouvoir de la petite bourgeoisie ou des éléments déclassés du prolétariat sur le capital financier. Le fascisme, c'est le pouvoir du capital financier lui-même. Sur le plan de la théorie, l'analyse du fascisme faite par l'International communiste et principalement par Dimitrov est juste. Le fascisme se développe en temps de crise du système capitaliste, contre la classe ouvrière, mais également en trompant cette classe. C'est une arme d'une faction de la bourgeoisie pour enrégimenter la société, briser la classe afin de permettre le maintien de la dictature de la bourgeoisie. Le dernier cycle fasciste s'est développé en opposition au mouvement révolutionnaire, en la présence de partis communistes forts, mettant en péril la domination du capital, et en la présence aussi d'un pays socialiste, l'URSS. Le fascisme est un processus en constante évolution. Les lois de la dialectique sont claires. Les phénomènes sociaux et politiques, au même titre que toute forme de vie et de développement organique, sont en perpétuelle évolution. Si les mécanismes fondamentaux du fascisme restent inchangés, son développement ne pourra être une pâle copie du cycle précédent, mais bien un processus en phase avec la réalité matérielle actuelle. Je développerai l'analyse du fascisme sous sa forme moderne. Cependant, il est toutefois à noter qu'un des changements principaux est l'absence d'un camp socialiste. La trahison des révisionnistes est la faiblesse actuelle des forces prolétariennes organisées.

parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors bien longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur. S'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Ce mois de juillet 1943, entre le 6 et le 8, Jean Moulin, arrêté par la Gestapo à la fin du mois de juin, disparaissait. Il devait mourir des suites de tortures dans un train qui le transportait de Paris vers l'Allemagne. Le 21 juin 1943, j'avais rendez-vous avec Jean Moulin, au début de l'après-midi, dans un petit square qui est devant la gare Perrache. Je ne savais pas où était le lieu de rendez-vous et lui ne le savait pas non plus. Nous savions tout de même que nous avions rendez-vous avec un de nos camarades. Et nous sommes arrivés sur une place à la maison du docteur Dugoujon. Alors nous avons sonné, la bonne du médecin nous a ouvert et nous sommes entrés, Jean Moulin et moi, dans la salle d'attente des malades. En vérité, la bonne ne savait pas très bien si nous étions des malades ou si nous étions des participants de la réunion. Quelques-uns de nos collègues étaient déjà arrivés et étaient montés, eux, au premier étage, je crois, dans l'appartement privé du médecin. Et tout à coup, la porte-fenêtre s'est ouverte. Et nous avons trouvé des policiers allemands, des gendarmes allemands, mitraillettes au poing, qui nous ont fait lever les bras et tourner contre le mur. Au bout de quelques instants, on a pris tous les hommes, on leur a mis les menottes derrière le dos, et on nous a fait monter dans les voitures de la Gestapo. Nous avons été tous emmenés dans les locaux de la police allemande, qui était installée à l'école de santé militaire, et on nous a mis dans la cave. Nous sommes restés un moment dans la cave en attendant les interrogatoires et je crois que j'ai pu rendre à ce moment-là le dernier service possible à Jean Moulin en prenant assez acrobatiquement les papiers qu'il avait dans ses poches. Nous avions l'un et l'autre les menottes, il m'a rendu le même service et nous nous sommes détruits réciproquement les papiers que nous portions. Monsieur Aubrac, est-ce la dernière fois que vous avez vu Jean Moulin ? Non, ce n'est pas la dernière fois que j'ai vu Jean Moulin. Quelques jours après, dans la prison de Montluc, où ma cellule était face à l'escalier et où la porte était percée d'un trou, comme il arrive souvent aux portes de prison, j'ai vu Jean Moulin descendre l'escalier. Il était tuméfié, il avait le visage défait, les vêtements déchirés, mal rasés, et deux policiers allemands le soutenaient sous les bras. C'est la dernière fois que j'ai vu Jean Moulin. Les nominations à la tête de l'Europe, l'élection du président du Parlement européen et le traité avec les pays du Mercosur, on en parle tout de suite dans ce numéro 40 du Petit Coup de Bourbon. L'Europe, c'est comme le foot. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Pourtant, les élections européennes devaient consacrer la fin de la domination de nos voisins sur le continent. Emmanuel Macron nous l'avait assuré. Ainsi a-t-il retoqué d'emblée la candidature de l'Allemand Manfred Weber à la présidence de la Commission, un candidat pourtant désigné par le PPE, le groupe majoritaire au Parlement européen. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien, c'est raté. Angela Merkel a imposé sa dauphine, Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission. Et quelle dauphine ? La ministre allemande de la Défense, titulaire du poste depuis 6 ans et membre des gouvernements Merkel depuis 2005. Selon un sondage récent du quotidien Bild, Ursula von der Leyen est considérée comme l'une des deux ministres les moins compétents du gouvernement. Son bilan à la défense est en effet désastreux. Matériel obsolète, sous-investissement, experts surpayés, essor de l'extrême droite, n'en jetez plus. Ce tropisme militaire de la nouvelle présidente de la Commission inquiète. C'est une ministre de la Défense allemande qui est aujourd'hui présidente de la Commission. Et nous savons qu'ils ont le dessein de construire une Europe de la Défense et une armée européenne. Et cela nous inquiète beaucoup. À un moment donné, justement, où il y a de plus en plus de guerres et de conflits dans le monde, eh bien, nous trouvons regrettable que la grande idée, ce soit de faire une défense européenne, une armée européenne, et que l'Europe se militarise. Du côté de la France insoumise, on souligne surtout l'absence de changement. L'Europe reste toujours plus celle de la droite allemande, avec l'élection à la présidence de la Commission d'une CDU. Et globalement, sinon, pour le coup, c'est toujours la victoire de politique, du libéralisme, de l'ordolibéralisme, des tenants de cette politique. Bon, voilà, il n'y a rien de changé. Le nouveau monde et l'ancien monde. Chez les Républicains, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'aurais préféré qu'on ait quelqu'un de très confirmé dans les négociations européennes internationales, quelqu'un qui aurait déjà été commissaire, quelqu'un qui aurait été français, etc. Allez, c'est le portrait robot de Michel Barnier. Michel Barnier avait vraiment toutes les qualités. Maintenant, il me paraît que l'Allemagne, comme la France et d'autres pays, peuvent être plutôt satisfaits, que les équilibres de parité, de géographie sont aussi plutôt respectés. La nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE réjouit davantage Philippe Gosselin. Ne fut-elle pas la ministre de l'économie et des finances de Nicolas Sarkozy? Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe et pour la BCE. Christine Lagarde, vous savez, elle a été ministre de la République. C'est une grande dame, avocate internationale. Elle a évidemment toute son expérience des 8 dernières années aux États-Unis dans un fonds international quand même de très grande ampleur. Elle connaît les grandes semondes, elle connaît tout le monde, elle connaît toutes les ficelles. Du côté de la majorité présidentielle, certains ont l'enthousiasme mesuré. Qu'on soit complètement d'accord avec elle ou pas, parce que moi je pense que je suis peut-être un peu moins libéral que Madame Lagarde, mais en tout cas c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les sujets. Une bonne technicienne, à qui même Éric Coquerel reconnaît une certaine lucidité, mais sans se bercer d'illusions. Madame Lagarde, cela dit, à la tête de FMI, a eu à certains moments quelques alertes sur le système international, mais je crains que ça ne fasse guère de changement par rapport à ses prédécesseurs. Je crois qu'il n'y aura aucun changement en réalité dans le cours de l'Union européenne. On rappellera quand même que le 19 décembre 2016, la nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne a été reconnue coupable de négligence par la Cour de justice de la République dans l'affaire de l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie. Christine Lagarde a toutefois été dispensée de peine. Pour être définitive, les désignations d'Ursula von der Leyen et de Christine Lagarde doivent être validées par le nouveau Parlement. Il en va de même pour Josep Borrell, nommé haut représentant pour les affaires étrangères. Le vote doit intervenir le 16 juillet. Et il ne sera pas forcément de pure forme. Les Verts et certains sociaux-démocrates ne se satisfont pas de l'accord conclu par le Conseil européen. Un dernier mot. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier cette émission. Pour qu'elle se développe, pour que les programmes du média se développent, nous avons besoin d'argent. Alors nous comptons sur vous. Vous qui regardez, devenez sociaux si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous l'êtes déjà, aidez-nous en augmentant vos versements ou en recrutant de nouveaux sociaux. L'indépendance et la qualité ont un prix. Mais ça, vous le savez déjà. Thank you. c'est d'intégrer l'urgence écologique et la crise climatique dans le projet de loi énergie et climat. C'est beau, ça claque, ça impressionne. Et dans le même temps, les négociations sur le traité de libre-échange Union européenne-Mercosur, entamées il y a 20 ans, sont sur le point d'aboutir. Pour se positionner, le gouvernement veut des garanties. Les mêmes que pour le CETA, le jeu de dupes, ça suffit. Cet accord Mercosur, avec ou sans garantie, comme tout accord de libre-échange, est un symbole du grand déménagement du monde, pourtant à bout de souffle, et qui détruit l'écosystème qui permet la vie humaine. Il sacrifie l'agriculture et l'élevage sur l'autel d'un commerce cannibale et d'une course folle à la concurrence, ainsi qu'à dumping social contre les ouvriers et les paysans. Votre traité, c'est plus d'importations agricoles, donc d'OGM et de pesticides interdits en Europe. 200 000 tonnes de viande aux hormones au mépris de la souffrance animale. Plus de déforestation en Amazonie. Un chèque en blanc à Bolsonaro sur les violations des droits humains. Plus d'émissions de gaz à effet de serre. Moins de régulation sociale et écologique. Votre société du libre-échange n'est pas compatible avec l'urgence écologique. Il faut relocaliser. Et si vous ne voulez pas nous entendre, entendez ce que dit Nicolas Hulot. La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de la crise que nous vivons. Ce n'est pas en installant 3 éoliennes que l'on va y arriver. Et encore moins en enlevant sa cravate pendant la canicule. Par vos mesurettes, vous n'êtes pas à la hauteur de l'urgence climatique. Vous signez d'une main l'arrêt des touillettes plastiques et de l'autre ces accords commerciaux anti-écologiques. Heureusement, des gens combattent ce modèle. Bravo à l'action non-violente COP21 et les Amis de la Terre mobilisés aujourd'hui contre Amazon, symbole du libre-échange de tout et n'importe quoi. Bravo à l'action pour le climat d'Extinction Rébellion que vous avez fortement réprimé. On ne lutte pas contre les gaz à effet de serre avec du gaz lacrymogène. Macron a dit, moi j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible, à nous les dirigeants. Alors face à la réponse d'hypocrite que vous allez formuler dans quelques instants... parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. BFM TV, la chaîne d'information la plus regardée de France. Prête à réagir sur n'importe quel sujet, notamment sur l'évasion fiscale. IKEA aurait échappé à l'impôt grâce à un système de transfert d'argent. Et loin d'être la seule multinationale à en profiter, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple sont devenus maîtres en la matière. Je ne veux plus avoir des multinationales qui font des bénéfices sur vous, sur nous, sur les consommateurs français. Mais bien sûr qu'il y a des sociétés françaises qui le font. Et si nous vous disions que BFM TV est une chaîne d'information créée avec de l'argent qui provient d'évasion fiscale? Nous allons vous révéler comment la chaîne d'information la plus regardée de France s'est construite sur de l'argent qui, encore aujourd'hui, s'envole vers des paradis fiscaux et comment les autorités financières françaises tardent à prendre la mesure du problème. Notre enquête débute avec Maxime Renaï. En 2007, il est administrateur de fonds pour un cabinet d'avocats de gestion financière. Et parmi ses clients, un va particulièrement attirer son attention. La société Next Radio TV. Une société fondée par Alain Veil, qui détient des médias comme les radios RMC et BFM Business, la chaîne de télé BFM TV, ou encore le magazine 01net. Alors en 2007, effectivement, je travaille pour un gros cabinet d'avocats de Jersey qui s'appelle Mouan Limited et j'ai un portefeuille de clients. Dans ce portefeuille de clients, j'ai un fonds qui s'appelle APF3 qui a été mis en place par des Français. Et ce fonds détient des actions dans une société qui s'appelle Next Radio TV qui détient elle-même BFM TV et RMC. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le développement de BFM TV, de Next Radio TV, a été permis grâce à de l'argent qui a été injecté depuis les paradis fiscaux, depuis Jersey. Et sans cet argent-là, de façon assez importante, BFM TV n'aurait jamais pu se développer. La preuve de ce qu'avance Maxime, la voici. Un document interne exclusif qui témoigne que Next Radio TV est bel et bien possédé à 22% par un fonds offshore situé à Jersey. En 2009, selon ces documents, c'est 50 millions d'euros émanant de ce fonds offshore qui sont injectés dans le groupe Next Radio TV. Mais la chaîne n'est pas seulement financée par de l'argent issu d'un paradis fiscal. En gérant le portefeuille de cette société, Maxime se rend compte qu'une partie des bénéfices issus de la chaîne de télé vient garnir le fonds offshore. Le schéma est plutôt simple. L'argent de RMC et BFM TV par exemple est récupéré par la société mère, Next Radio TV. L'argent passe ensuite par une société aux Pays-Bas avant de s'envoler à Jersey, le paradis fiscal. En gros, c'est via ce schéma que remonte l'argent et donc qui devient non imposable. Voilà, donc imaginez tout simplement qu'il y ait de l'argent qui soit fait avec les pubs RMC, BFM TV. Peu importe que Next Radio TV soit bénéficiaire ou déficitaire, parce que de toute façon, le fonds d'investissement prête de l'argent de la dette. Donc la dette doit être remboursée, elle est prioritaire. Donc le remboursement de la dette se fait bien avec les profits qui sont faits de la pub. Et tous les ans, le remboursement se fait en passant par la société, le groupe français, ensuite la société aux Pays-Bas vers Jersey. Voilà, tout ça n'est pas taxé puisque c'est un remboursement de dette. Comment Next Radio TV arrive à remonter de l'argent sans que cela n'éveille la curiosité des autorités financières? En fait, la société et le fonds offshore utiliseraient ce qu'on appelle un prêt participatif. Comment cela fonctionne? Pour répondre à cette question, nous sommes allés voir Vincent Drezet, secrétaire national du syndicat solidaire Finances publiques. Alors, le prêt participatif, comme son nom l'indique, c'est un prêt. C'est-à-dire que des personnes vont donner à d'autres personnes de l'argent moyennant intérêt dans le but de financer un projet. C'est quelque chose qu'on appelle crowdfunding, qui se développe. Et dans l'idée, c'est relativement généreux. Ça permet de ne pas dépendre des banques, d'une certaine manière, pour monter un projet. Ah, mais c'est génial, ça! Le prêt participatif est donc une solution alternative aux banques et au surendettement. Simplement, parfois, on assiste à un développement d'une activité bancaire un peu en parallèle, qui peut être utilisée pour deux choses, le blanchiment et la fraude fiscale. Ah, là c'est moins cool. À la base, c'est pas censé aider les petites et moyennes entreprises? Comment ça se fait? Eh bien, typiquement, quelqu'un qui serait par exemple établi en France, qui a de l'argent à rapatrier, va se prêter de l'étranger à lui-même, moyennant intérêt, la somme que parfois il a fraudée, détournée, c'est selon. Et lorsqu'il verse des intérêts à lui-même en quelque sorte, mais ou à une entité qui lui appartient à l'étranger, il va déduire son intérêt du bénéfice qui sera imposable à l'impôt sur les sociétés en France. Donc dans le prêt participatif, il y a quelque chose d'assez sympa et généreux, mais malheureusement, ça peut être aussi utilisé à des fins de blanchiment et de fraude fiscale. On récapitule. Pour envoyer de l'argent vers Jersey, le fonds offshore va donc accorder un prêt participatif à la société Next Radio TV. Et Next Radio TV va donc devoir rembourser, mais avec des intérêts. Et ce sont ces intérêts que nos sociétés cherchent à rendre non imposables. De sa création dans les années 2000 à 2015, la société va ainsi renvoyer une bonne partie de l'argent qu'elle génère à Jersey. Et ça ne s'arrête pas là, au contraire. En 2015, Alain Veil va accueillir un nouveau partenaire. Patrick Drahi, milliardaire, qui possède le groupe Altis. L'homme d'affaires acquiert 49% du groupe en juillet 2015, avant de racheter l'ensemble du capital de Next Radio TV en 2018. Alain Veil, lui, ne quitte pas le groupe pour autant. Il devient le PDG d'Altis Europe aux Pays-Bas. Avec l'arrivée de Patrick Drahi, exit le fonds offshore de Jersey. Désormais, direction un autre paradis fiscal pour les bénéfices du groupe, le Luxembourg. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est extrêmement complexe, mais on va garder la substance en restant le plus précis possible. Donc, toujours en bas, évidemment, on a BFM TV avec RMC. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Il y a du groupe BFM. Donc, cette partie-là, elle n'a pas changé. Ce qui a changé maintenant, c'est que c'est Altice France, donc SFR, qui détient majoritairement les actions des sociétés en dessous. Qui est le groupe de Patrick Drahi. Voilà, c'est ça, le groupe de Patrick Drahi. Et au-dessus de ces sociétés en France, tout d'un coup, on va avoir à peu près pas loin d'une dizaine de sociétés luxembourgeoises qui font monter l'argent. Un montage complexe, avec pas moins de 11 sociétés, avant d'arriver à Patrick Drahi. Avec son groupe Altis, le milliardaire devient un des grands Manitou des médias. En plus de BFM TV et des radios RMC et BFM Business, le groupe Altis compte dans ses rangs le journal Libération, le magazine L'Express, ainsi que les chaînes de télé RMC Sport et RMC Découverte. Tous ces médias voient leurs bénéfices transférés en grande partie vers le Luxembourg. Selon nos informations, pour Next Radio TV, Patrick Drahi a accordé un prêt participatif de 339 millions d'euros. Et en 2017, via le remboursement de ce prêt, c'est près de 36 millions d'euros qui s'envolent vers le Luxembourg et qui deviennent non imposables. Et ce, alors même que la société est déficitaire. Et en plus du prêt participatif, le milliardaire met en place un autre système pour son groupe SFR Press. Donc dans SFR Press, qui est un autre compartiment, dedans on a Libération, on a L'Express. Et là, c'est un autre outil qui s'appelle les obligations convertibles, que l'argent remonte vers le Luxembourg. Ah, un nouveau terme, les obligations convertibles. Vincent ? On va prendre un exemple d'une société établie en France qui émet des obligations. Quand on émet des obligations, eh bien, bénéficie de l'argent, mais la personne qui détient l'obligation perçoit des intérêts. On a en réalité la situation suivante, c'est qu'en France, la société qui émet des obligations déduit de son bénéfice les intérêts qu'elle verse aux obligataires, mais ces obligataires, de l'autre côté de la frontière, sont vus comme des actionnaires qui sont exonérés sur les dividendes qu'ils perçoivent. Et on a en quelque sorte non seulement une double non-imposition, c'est-à-dire que rien n'est imposé nulle part, mais en plus en France, on déduit du bénéfice imposable des intérêts à tort. Et les produits hybrides ont été ciblés par l'OCDE comme des produits sur lesquels il y avait à la fois de l'optimisation fiscale agressive, mais aussi de la fraude fiscale. On vous l'a fait en plus simple. En gros, via le système d'obligations convertibles, Patrick Drahi injecte de l'argent dans le groupe SFR Press qu'il possède et le récupère au Luxembourg avec des intérêts qui sont devenus non imposables en France. Selon nos informations, Patrick Drahi a injecté plus de 410 millions d'euros dans le groupe SFR Press via ce système. De l'argent qu'il compte récupérer donc, avec des intérêts sur lesquels sa société ne paiera pas d'impôts. Sollicité pour une interview, ni Patrick Drahi, ni Alain Veil n'ont répondu à nos demandes. Mais que font les autorités financières pour lutter contre cette évasion fiscale ? Ce qu'on ne vous a pas dévoilé sur Maxime, c'est qu'il a également collaboré avec la DGSE, les services secrets français. Le but de notre espion, justement, lutter contre l'évasion fiscale. Donc la DNEF, donc la Direction Nationale des Enquêtes Financières, c'est un peu les services secrets de Bercy. Donc je suis allé les voir, je leur ai donné des dossiers, et j'ai donc sur des clients, enfin sur des gens français, sur des multinationales, des milliardaires français, et malheureusement j'ai constaté que rien n'a été fait. Ce que je me rends compte assez vite, c'est qu'il n'y a pas de procédure en place. Ça m'a choqué, il n'y a pas de procès verbal, il n'y a pas d'enregistrement. Quand on remet des informations comme ça à des fonctionnaires, je pensais qu'on allait avoir un procès verbal ou des informations qui seraient enregistrées, ça n'a pas été le cas du tout. Et ensuite, il n'y a pas eu de suivi de la part des fonctionnaires. J'ai pas eu d'email, j'ai pas eu, donc moi je les ai relancés, j'ai pas eu de réponse, j'ai rien eu du tout. Alors bon, j'ai ma petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est quand un milliardaire français développe ses activités à l'étranger, on le laisse tranquille parce qu'on considère que c'est bien pour le rayonnement de la France. Et je vois qu'il y a vraiment, malheureusement, avec le verrou de Bercy, il y a toujours, même s'il a été aménagé, il y a toujours deux poids, deux mesures. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Contacté, la Direction nationale des enquêtes financières n'a pas souhaité répondre à nos questions, invoquant le secret fiscal. Mais alors, Patrick Drahi et BFM TV peuvent-ils être inquiétés par Bercy ? Pas sûr. Sous couvert d'anonymat, un agent des finances publiques va accepter de nous parler. Nous, on s'est retrouvés face à des très hauts responsables du ministère à leur dire « Nous aussi, on a des informations, sans dire les noms, ça serait bien que les procédures aillent au bout. Parce que s'il y a une révélation qu'on n'y est pas allé, ben, nous, on ne va pas pouvoir tenir le secret fiscal très longtemps. En tout cas, face à un président de commission des finances, on ne peut rien. Ouais, » les problèmes viennent vraiment du politique, alors en fait, c'est vraiment... Ouais. Quand il y a quelque chose, c'est politique. Parce qu'in fine, pas sur toutes les procédures, mais sur certaines, notamment sur le côté gracieux, fiscal et douanier, la compétence relève du ministre. la première chaîne info de France est donc détenue par un oligarque qui pratique l'évasion fiscale. Un système qui pose question sur le traitement médiatique et la déontologie journalistique. La lutte contre les paradis fiscaux porte ses fruits, ah oui. L'OCDE, Nicolas Dose. Donc, c'est quoi le chiffre le plus important? Il y en a deux. Les dépôts bancaires, là, c'est assez impressionnant. Il y a deux chiffres importants. Complicité dans la débile, la mécaille dans la mafia. Un coup de sourdine, de sous-combine, et t'avais ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine et la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène. T'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes, c'est la bohème. Et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui gênent. Et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, à Tocatix, à Tocatix. Libre et indépendant. Aujourd'hui, le monde de l'énergie a subi de nombreuses transformations qui ont produit leurs effets. Les moyens de production de l'énergie sont désormais dans les mains de grands groupes d'investissements internationaux. La libre concurrence voulue par les autorités européennes à l'aube des années 2000 a abouti au démantèlement des systèmes publics centralisés. Les systèmes de production intermittents éoliens et solaires ne suffisent pas à alimenter les pays en période de pointe. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 12 décembre 2046. Avant les titres de cette édition, quelques informations sur le plan de délestage prévu pour les prochaines 24 heures. Demain, c'est dans les régions Île-de-France et Bretagne qu'auront lieu des coupures entre 7h et 10h, puis entre 19h et 22h. Conséquence du plan grand froid, le consortium de l'énergie n'est pas en mesure de confirmer l'approvisionnement en énergie pour la soirée dans les autres régions. Et tout de suite, les titres de cette édition. Paris sous la neige. Au début du XXIe siècle, le monde de l'énergie était créateur de richesses et d'emplois. Et pendant des décennies, EDF-GDF a été l'entreprise préférée des Français. Elle appartenait à l'État, à tous les citoyens. Les camionnettes bleues roulaient de jour comme de nuit, les week-ends, sous la neige ou sous la pluie. Les salariés étaient véritablement au service des abonnés. Et tout ça en produisant l'énergie la moins chère d'Europe. Seulement, cela n'intéressait pas les grands groupes internationaux. Ils n'avaient qu'une obsession, la rentabilité. Comment réussir à faire de l'énergie un produit rentable? À coup de réorganisation, de réduction des effectifs et de diminution des coûts de production, ils approchaient du Graal. L'énergie rentable. Enfin rentable. Le manque de cohésion dans les équipes? Voyons, rien de grave. Ne vous inquiétez pas, nous sommes rentables. Bientôt, tout ira bien, tout ira mieux. Nous sommes rentables. Rentables, vous dis-je. Enfin, ça, c'est le discours que servaient les nouveaux dirigeants à des salariés démotivés, découragés, fatigués. Pourtant, à l'époque, des représentants du personnel prédisaient déjà la situation actuelle. Ils protestaient contre la privatisation du secteur, animaient des réunions d'information, défendaient le statut du personnel et alertaient leurs collègues des dangers de la spéculation sur l'énergie. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui aurait pu être évitée. Heureusement, tout ça n'est pas encore une réalité. Un autre avenir est possible. Salariés, reprenez le contrôle de votre avenir. FO, agir, ne pas subir. Restez avec nous, Benjamin Griveaux. Musique, car voici qu'entrent en studio deux de vos soutiens les plus prestigieux dans votre course à la mairie de Paris, la Tour Eiffel et Lulu, danseuse de French Cancan. Salut Benji, alors tu me reconnais? Tu es la Tour Eiffel? Bon là j'ai un peu morflé, mais me dis pas que tu m'as jamais grimpé dessus. Salut Benji, tu me reconnais? Lulu du Boulin Rouge. Et bon, j'ai un peu morflé, mais me dis pas que tu m'as jamais grimpé dessus. Ouais bon, ça regarde pas les gens, Lulu. Bon ben, ouais, bon, okay. Mon petit gars, on est là parce qu'on représente le syndicat des légendes de Paname. Ouais. Et quand je dis légende, je te cause pas de Dominique Seux dans les soirées CAC 40, fais-moi monter l'indice. Et même si le Domi a la cuisse légendaire, j'ai déjà vu avec Geoffroy Roux de Bézieux au Club Libertin, la CICAF Polisson. Ouais, non mais Lulu, ça n'intéresse pas les gens. Bon, là on parle des légendes parisiennes, des éternelles, des immortelles. Ouais, parce que nous, des maires de Paris, on en a vu passer. Oh là, on préférait, c'était Chirac. Je lui disais, fais que moi la mairie, elle vient me taper dans la caisse. Non, Lulu, attention, c'est la matinale d'Inter, là, faut se tenir, c'est sérieux. Et ils reçoivent pas n'importe qui. Ah bon, parce que j'ai regardé cette semaine, c'était un bon ramassis de moins que rien. Lulu, on n'est pas là pour ça. On est là pour toi, on a l'expérience. Ouais, Binge. Déjà avec Tibéri, c'est nous qui lui avions conseillé de faire voter les morts. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses. Hein? Faudrait que Gérard Collomb il le soutienne. Bon, il est pas mort, Gégé Collomb. Ah ouais, et t'as vu le temps qu'il fait? Eh, on coupe la clim, dans deux jours, ça réglé cette histoire. Oh, mais c'est pas bête ça. Ouais, en tout cas, on est venu te soutenir face aux autres. Ouais, parce qu'il y a du lourd en face. Ah, il y a le Villani, il y a le Matheux, là. C'est le cerveau d'Einstein avec le physique de Marguerite Duras. Moi, il m'a déjà montré son petit scarabée. Non, Lulu, reste concentré, on est là pour la grille. Oui, pardon. Et fais gaffe aussi à Marcel Campion. Ouais, il y a le forain, là. Ouais, le Don Corleone de la barbe à papa, c'est un violent, celui-là. Ouais, et puis toi, vu comme t'es gaulé comme une trottinette électrique, je te conseille pas de t'y frotter. Ouais, méfie-toi aussi de la pire, là. Libre, comme on l'appelle. Ah, Hidalgo, je peux pas la blairer. Oh. À chaque fois qu'il y a un attentat quelque part, elle m'éteint. Ouais. Putain, faut arrêter de me brancher, de me débrancher, je suis pas Vincent Lambert. Bah, avoue que t'aimes bien qu'elle te titille l'interrupteur. Mais non, mais arrête, Lulu, mon préféré, c'est la grivouille. Regarde-moi ce sourire de Steve McQueen du pauvre. Moi, ça me fait sauter les rivets. Oh, moi, tu me fais ventiler la souris. Ouais, tu me donnes chaud. Je vais me faire une Notre-Dame. Oh, c'est un type comme Benji qui nous faut. Ah, il connaît Paris comme sa poche. T'es un vrai Parisien, t'es un titi des quartiers. Bah, ouais, sauf qu'il est né en Saône-et-Loire. Mais alors, on s'en fout, c'est un grivoche, il s'adapte. Oh, c'est vrai, avant, t'étais socialo, ça t'a proposé problème d'être porte-parole d'un gouvernement de droite. Bah, t'en as rien à foutre, c'est ça l'audace, c'est ça. Toi qui arrive d'un mannequin slip la redoute et tu y vas quand même. C'est l'audace, c'est l'audace, c'est l'audace, c'est pareil, allez. Amis auditeurs, passez absolument voir la vidéo sur notre site internet franceinter.fr. Merci Charline Vanhoenacker, merci Guillaume Meurice et merci Benjamin Griveaux d'être resté jusque là. Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touchés. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave Jean, brave Jean. Elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean. Je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Or, en fait, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, les laboratoires ont changé de vasoconstricteur et ont utilisé de la pseudoéphédrine qu'on retrouve dans tous les médicaments avec vasoconstricteur. Mais les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire, les effets indésirables et les contre-indications sont les mêmes dans les deux cas. Donc, c'était illogique qu'on refuse la mise sur liste de tous ces vasoconstricteurs. Bon, résumons. Les antirhumes contenaient de la PPA, mais c'était interdit. Alors, les labos les ont remplacés par la PSE, un autre vasoconstricteur, mais qui lui est autorisé. Et voilà le tour de magie. Une molécule remplace l'autre et les antirhumes restent en vente libre. Du coup, en 2012, la commission réagit. Elle exige alors que les antirhumes soient délivrés sur ordonnance. Si vous obligez effectivement des patients à prendre un rendez-vous chez un médecin, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui, du fait de la bénignité des symptômes, n'iront pas et donc le médicament ne sera pas prescrit. Et puis d'autre part, ça permet aussi éventuellement aux médecins de proposer d'autres solutions thérapeutiques pour soigner les symptômes du rhume que la prescription de ces médicaments. Pour la presse, l'affaire est donc pliée. Les antirhumes ne seront plus en vente libre. Et là, coup de théâtre, l'ANSM ne suit pas cet avis. Officiellement, les cas sont trop rares. Ces événements sont, comme vous l'avez dit, extrêmement rares, ce qui veut dire aussi que leur imputabilité, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire est-ce qu'on pense vraiment que le médicament a lui-même directement causé, au sens primaire du terme, l'effet indésirable, n'est pas établi. Officieusement, c'est peut-être une autre histoire. Pourquoi laisser un rhume vous gâcher la nuit ? 12 millions de boîtes vendues par an, c'est conséquent. Alors les industriels défendent leurs intérêts via leur association l'AFIPA. Son but ? Promouvoir l'automédication et défendre ce marché de plus de 2 milliards d'euros. Clairement, les industriels prennent position et se font entendre. À l'heure où le développement de l'automédication est reconnu comme utile, lister la PSE constituerait un signe extrêmement négatif. Une chose est sûre, l'ANSM a préféré ne pas faire de vagues. Je dirais que l'ANSM, à mon avis, doit être sous influence. C'est-à-dire sous influence des laboratoires pharmaceutiques, car il est clair que si ces médicaments sont livrés que sur ordonnance, les ventes vont fortement diminuer. L'ANSM, elle, dément toute pression. Pour statuer, l'agence réclame de nouvelles études. Problème, elles vont être réalisées par les industriels. L'ANSM a demandé aux laboratoires concernés de mettre en place des études de type pharmaco-épidémiologie. On va demander aux firmes pharmaceutiques d'évaluer les dangers de leurs médicaments. Ça les place dans un conflit d'intérêts terrible. Elles gagnent de l'argent avec ce médicament, elles doivent étudier ses effets indésirables. Ça ne colle pas. Bien sûr que la tentation est très forte. De retarder un peu l'étude, parce que c'est difficile à faire, et puis on n'a pas assez de cas, et puis on n'a pas assez d'expérience, et puis il en faudrait un peu plus, et puis c'est difficile à analyser, et puis telle donnée, finalement c'est pas tout à fait sûr, on préfère en avoir d'autres. Bien sûr que la tentation va être de de faire que l'étude soit menée très lentement, le plus tard possible, et que les effets indésirables, que les données les plus préoccupantes soient laissées dans l'ombre et que tout ce qui est rassurant soit mis en avant. Prendre son temps, discuter les résultats des études, bref, gagner du temps. Une stratégie qui paye, même si la NSM s'en défend. Pourtant, les antirhumes restent en vente libre, en attendant une nouvelle décision prévue en 2015. Professeur Chasse, vous avez vu le reportage, on a besoin de votre arbitrage. Est-ce qu'on n'aurait pas dû appliquer un principe de précaution qu'on brandit parfois un peu à tort et à travers ? Là quand même, non ? Alors, je ne sais pas si le terme de principe de précaution s'applique. En tout cas, il faut que le doute, quand il existe, bénéficie toujours aux malades. En l'occurrence, ces médicaments ne sont pas vraiment très utiles. Leur efficacité est douteuse. En revanche, leur toxicité, on en a la certitude, elle existe. Comment expliquez-vous qu'ils soient toujours là ? Dans les officines, dans les pharmacies ? Eh bien, Madame Martichou, je ne me l'explique pas. Oh, si, vous avez sans doute une idée. Alors, si l'idée, c'est de se dire que il y a certains groupes de pression qui sont plus forts que d'autres, alors là, peut-être, effectivement, on peut se l'expliquer. Mais j'espère que dans notre pays, qui a vécu ces dernières années une véritable onde de choc en matière de sécurité des médicaments, on a plus cette chape de silence qui s'oblige à un certain nombre de décideurs publics. Nous devons clamer des vérités scientifiques. Il y a aujourd'hui des certitudes. Ce n'est pas moi qui le dis. La Commission nationale de pharmacovigilance a été très claire à diverses reprises sur le danger de ces médicaments. Il est donc aujourd'hui temps de mettre un terme à une mise sur le marché intempestive et en particulier la vente libre de ces médicaments. Contrairement au paracétamol dont il est justifié qu'il puisse être accessible au public, ces médicaments n'ont rien à faire en accès libre. Alors c'est vrai qu'on a une marge de progression en termes d'automédication par rapport à certains pays qui sont bien plus avancés que nous. En particulier au nord de l'Europe. Vous pensez que fondamentalement, de toute façon, c'est une démarche citoyenne de se prendre en charge et d'avoir la possibilité d'aller se soigner sans passer par la case médecin et donc sécu et donc alourdissement. Alors, il y a quelques règles dans l'automédication responsable. La première de ces règles est d'éviter les âges extrêmes de la vie. Il faut éviter, par exemple, chez l'enfant, l'automédication chez l'enfant, ça peut être criminel assez rapidement. Chez le sujet très âgé, il faut savoir qu'il y a des dangers parce qu'un organisme âgé est un organisme qui va moins bien tolérer les médicaments. Donc, grande prudence. En revanche, chez la plupart d'entre nous, l'automédication peut être réalisée à condition qu'elle soit encadrée par un professionnel de santé comme le pharmacien. Il y a évidemment l'accès des médicaments sur Internet aussi qui rebat un peu les cartes. Récemment, les pharmacies ont eu droit de vendre sur Internet de façon assez encadrée. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit à ce sujet le député UMP de la Marne, Arnaud Robinet. Écoutez. Moi, je suis très vigilant à cette vente de médicaments sur Internet. Aujourd'hui, le cadre législatif réglementé en France n'est pas encore à son niveau optimal, donc il va falloir faire extrêmement attention. Moi, je dis attention, notamment dans l'automédication non contrôlée. C'est ce qui peut arriver, bien sûr, avec la vente de médicaments sur les sites Internet. Moi, je considère que pour la sécurité du patient, rien ne vaut un contact direct avec son pharmacien. Alors voilà, professeur Chasse, de toute façon, la case Internet, si je puis dire, comme pour tout le reste, il faut y passer les médicaments. Vous êtes favorable à ce qu'on les achète d'un clic ? Non. Je suis très déçu par la décision qui a été prise au niveau ministériel de libéraliser le commerce de médicaments sur Internet. On sait que en matière de médicaments, Internet, c'est un marché qui laisse le champ libre à 50% de faux médicaments. Alors bien sûr, les pouvoirs publics encadrent, mais je suis persuadé que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, on aura de faux sites Internet. On sera persuadé d'acheter son médicament à la pharmacie de la gare de Châteauroux et en réalité, il y aura derrière un informaticien génial à Bombay, Singapour ou Shanghai qui enverra au consommateur de Nogent-le-Rotrou un médicament qui ne sera pas le bon médicament, qui sera un faux. Il ne faut pas encourager ce commerce-là, qui est un commerce potentiellement dangereux, même si le gouvernement, la Direction générale de la Santé, la NSM, l'Ordre des pharmaciens ont mis des garde-fous. Mais ces garde-fous, en matière d'Internet, ils n'existent pas. Le commerce virtuel est un commerce dangereux, fondamentalement. On a joué les apprentis sorciers dans cette affaire, c'est votre sentiment. Je crois que cette libéralisation excessive est un danger pour la santé publique. Mais encore une fois, l'automédication citoyenne, responsable, vous y êtes favorable? Absolument. Est-ce que vous ne pensez pas, de toute façon, le contexte des finances publiques fait que de plus en plus, on va y être encouragé? Notre objectif, préserver la santé publique, améliorer la bonne connaissance du médicament pour le patient. Si en plus de ça, on peut avoir des économies pour l'assurance maladie parce qu'il y a d'importantes dépenses à consacrer à de vraies maladies et à des soins hospitaliers ou à des prises en charge à domicile, alors à ce moment-là, il faut avoir une démarche citoyenne qui consiste à savoir s'automédiquer en préservant l'équilibre des comptes publics. Merci beaucoup, professeur Chasse, de nous avoir ainsi donné des consignes claires. Un médicament, ça n'est jamais anodin, de toute façon. Donc, quand on va, même s'il est en vente libre, il faut faire attention. On est prévenu grâce à vous. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'État de santé. À bientôt. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Qu'est-ce qui pousse Richard Nixon, président des États-Unis, successeur de Lyndon Johnson, à annoncer sa démission ce 9 août 1974? Retour sur une affaire qui commence dans la nuit du 17 juin 1972. À Washington, D.C. Washington. Complexe du Watergate, au bord du fleuve Potomac. Une nuit de juin 1972, un agent de sécurité qui patrouille dans l'hôtel du Watergate remarque quelque chose de suspect. Une porte du parking de l'hôtel, située au sous-sol, a été forcée. Pensant à un cambriolage, il appelle la police qui, sur place, découvre le poteau rose. Au cinquième étage du bâtiment, étage qui abrite le siège de campagne du Parti démocrate, on découvre un groupe de 5 hommes, munis de gants, d'appareils photo, de talkie-walkie et d'un matériel d'écoute ultra perfectionné. La troisième page du rapport d'enquête déclassifié donne le ton. Il semble que les sujets étaient en train de poser des instruments électroniques dans la zone et utilisaient des batteries ainsi que des petits bracelets dans le but d'activer ces équipements plus tard. Dès le début, on s'éloigne du simple cambriolage avorté pour se rapprocher davantage d'un véritable scénario de film noir. Et c'est là que l'un des premiers protagonistes de cette histoire entre en scène. Bob Woodward, journaliste au Washington Post, est rencardé sur l'affaire par son rédacteur en chef au lendemain des événements. Il se rend tout naturellement à l'audience des cinq hommes et y apprend notamment que l'un d'eux, James McCord, est un ancien agent de la CIA. L'American Associated Press met en lumière un élément des plus troublants qui vient s'ajouter au CV de James McCord. Ce dernier est membre du CRP, le Comité pour la réélection du président. Déjà, un premier lien, certes maigre, offre une piste. Et si le Parti républicain complotait dans l'ombre pour mettre des bâtons dans les roues au Parti démocrate? En cette année électorale, ça paraît logique. Bob Woodward est rejoint dans son enquête par Carl Bernstein, plus de 10 ans de métier, notre second protagoniste. Ces derniers apprennent par le biais d'un collègue du Washington Post que les cambrioleurs avaient en leur possession un carnet. Un carnet avec des noms et des numéros de téléphone. un nom sort du lot. Howard Hunt, précédant les lettres WH. WH, White House, Maison Blanche. C'est désormais certain, l'équipe des cambrioleurs a un lien avec la Maison Blanche. Mais lequel ? Ouais. C'est du scotch. Tout ce qui est plus banal. Et c'est là qu'entre en scène notre troisième protagoniste. Bob Woodward est un ancien de la Navy et y a encore quelques contacts datant de l'époque où il servait. Il fait alors appel à l'un d'entre eux, un certain Mark Felt. Mark Felt est à l'époque numéro 2 du FBI. L'agence s'étant emparée de l'enquête au vu du statut fédéral de Washington DC, Woodward le contacte dans le but d'obtenir des renseignements. Peine perdue. Felt ne veut pas parler de ça au téléphone. Le journaliste tente alors une autre piste et appelle directement la Maison Blanche en demandant Howard Hunt. On lui répond qu'il n'est pas dans son bureau et est sans doute en réunion. Bingo pour Woodward, Hunt travaille à la Maison Blanche. Mais notre journaliste n'en est qu'au début de ses découvertes sensationnelles. Howard Hunt est lui aussi un ancien agent de la CIA. Le Washington Post publie alors un premier article qui explique le lien entre l'équipe infiltrée au Watergate et la Maison Blanche. Mais cette dernière nie en bloc les allégations des journalistes. Woodward et Bernstein ne lâchent pas l'affaire, et ce dernier découvre, suite à la publication d'un article du New York Times, que l'un des cambrioleurs, Bernard Barker, aurait passé plusieurs coups de fil à Gordon Liddy, un collègue de Hunt, également membre du CRP. Bernstein fait alors appel à un contact qui travaille à la compagnie du téléphone et qui lui confirme cette information et lui indique également que le registre des appels a été saisi par le procureur de Miami. Carl Bernstein prend donc l'avion pour la Floride afin d'y mener sa petite enquête. Il avait au préalable contacté le procureur de Miami qui lui apprend que 100 000 dollars sont passés par le compte en banque de Barker. Sur place, il découvre que l'un des chèques encaissés sur son compte est signé par l'un des responsables de la campagne du président de Nixon en 68 et que ce même chèque a été remis par la banque émettrice à Maurice Stans, le directeur financier du comité pour la réélection du président. Le scoop est énorme. Un chèque de 25 000 dollars signé par l'un des responsables de la campagne de Nixon et déposé par un autre sur le compte de l'un des cambrioleurs. L'équipe chargée de mettre sur écoute le Parti démocrate directement payée par l'entourage du président. Et le 1er août 1972, Woodward et Bernstein signent un second article dans lequel ils révèlent des liens entre l'équipe des cambrioleurs et le comité de campagne de Richard Nixon. Mais la Maison Blanche continue de nier. Pendant ce temps, nos deux journalistes vont à la rencontre de Mark Felt, resté muet jusqu'alors. Pour rappel, Mark Felt est alors le numéro 2 du Bureau fédéral d'investigation. Il est prêt à confirmer ou infirmer des informations et décide d'un commun accord avec Woodward de rencontrer ce dernier discrètement et sera désigné sous le nom de code Gorge Profonde. Son nom n'apparaîtra jamais et son identité dans cette affaire sera gardée secrète jusqu'en 2005, 3 ans avant son décès. Mais l'opinion publique manque cruellement d'intérêt pour cette affaire. Les Américains sont dans leur grande majorité derrière Richard Nixon et la campagne de son rival, le sénateur démocrate George McGovern, bat de l'aile. En septembre 1972, l'équipe des cambrioleurs ainsi qu'Howard Hunt passe au tribunal. Mais l'inculpation n'ira pas plus loin. Des intérêts sont à protéger. Des intérêts comme la victoire de Nixon aux élections. Woodward et Bernstein découvrent, via des rapports du FBI, que John Mitchell, le directeur de campagne de Nixon, qui démissionne en juillet 72 suite à sa mise en cause par James McCord, était entre autres responsable d'un fonds secret destiné à financer des opérations en vue de nuire à la campagne des démocrates. John Mitchell, président du comité de soutien, mais également ancien procureur général des États-Unis. l'étau se resserre sur Nixon. Woodward rencontre alors Gorge Profonde, Mark Felt. Celui-ci lui confirme que Mitchell est impliqué, mais également qu'il y aurait plusieurs dizaines de personnes impliquées dans l'équipe de campagne de Nixon. Le lien est fait. Mais le troisième article, écrit par Woodward et Bernstein, n'empêchera pas la réélection de Nixon. L'affaire semble s'arrêter là. Début 1973, deux événements se font écho. D'un côté, le procès de l'équipe des cambrioleurs, accompagné de Howard Hunt et Gordon Liddy, leurs deux responsables. Ils plaident tous coupables et sont libérés sous caution, afin d'éviter tout scandale ou procès trop explosif. Mais c'était sans compter le fait que James McCord, le chef du commando, écrive au juge. Il est parjure. Il a délibérément menti devant le jury sous pression de la Maison Blanche. Et pendant ce temps-là, toujours en janvier 73, le Sénat, à majorité démocrate, sous l'impulsion d'Edward Kennedy, le second frère de JFK, monte une commission parlementaire destinée à révéler les abus commis par les républicains lors de la campagne électorale de 1972. Gorge Profonde ne donnera plus signe de vie après le mois de mai 73. Dans un dernier échange avec Woodward, il lui explique que les services secrets surveillent tout le monde et qu'ils ne doivent plus se voir. Nixon s'exprime publiquement sur l'affaire peu avant l'été 73. Il explique que les activités menées selon lui à son insu au Watergate un an auparavant sont illégales. Il est dans une position bancale. D'autant plus bancale que Woodward et Bernstein publient un livre au début de l'année 74, le mythique All the President's Men. D'autant plus bancal que des enregistrements sont publiés le 5 août 1974. Des enregistrements dans lesquels on entend très clairement Nixon autoriser la CIA à museler le FBI pour étouffer l'affaire. 4 jours plus tard, Nixon annonce sa démission. Et voilà comment se termine notre histoire. Une histoire dont on dirait qu'elle a été empruntée à un roman d'anthologie. Puisque l'affaire la plus ostentatoire qui soit, la plus explosive, la plus passionnante, celle du Watergate, celle qui mène à la démission d'un président américain, ne représente que l'une des opérations menées clandestinement afin de déstabiliser le camp démocrate. Et c'est avec cette histoire que grandira la génération X, celle née dans les années 60. Elle grandira avec cette réalité, ou plutôt cet adage, « Le gouvernement nous ment ». Je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas. Est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste. Ils se poussent du bras pour être le premier. Sont amenés des vieilles qu'ils ne connaissaient plus. Sont amenés des enfants qu'ils ne me connaissaient pas. Pensent au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. La, la, la, la, la. Ah, je les vois déjà, tous mes chers faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap tes larmes lyonnaises. Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer quand s'accroche à ton bras le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout. Ah, je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ au soleil. Je vois déjà tout ça, et on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre l'argent de côté, des mille filets de maquereau, et de crier « Vive le roi !» La, la, la, la, la, la, la, la, la. Je voudrais tout de suite évacuer la dose anxiogène que pourraient comporter mes propos pour répondre à la préoccupation de notre rapporteur, M. Studer. En effet, j'admets que ce puisse être anxiogène que de proposer de rejeter une loi lorsqu'il s'agit de reconstruire ce magnifique bâtiment Notre-Dame de Paris. Mais je vais donc tout de suite dire que le problème pour nous, ce n'est pas Notre-Dame, c'est la loi. Et que cela soit entendu aussi précisément que possible. Notre-Dame reste, qu'on soit athée ou croyant, la cathédrale commune de tous les Français, et certainement plus largement d'ailleurs que des Français. Elle surgit comme un monument qui, quelles que soient ses convictions, est d'abord l'apothéose de l'esprit humain. Bien sûr, il y a ceux qui pensent qu'on voit dans cette magnificence l'œuvre de la main de Dieu, mais sans doute cela aussi pense que, s'il en est ainsi, c'est parce que les êtres humains qui s'y sont attelés y ont mis le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur de leur esprit. Et puis pour ceux qui pensent que l'univers est vide de sens et que la condition humaine est absurde, on y trouve la trace de cet acharnement incroyable à vouloir faire, imaginer, dépasser les limites. Si bien que du premier calcul qui a été établi lorsqu'a été planté le premier clou d'or qui permettait de mesurer ce que l'on allait faire, jusqu'à tous ceux qui ont suivi depuis cet instant, jusqu'au moment où la sonde Rosetta est arrivée à proximité de Tchouri, c'est une seule et même chose, un seul et même effort, une seule et même intelligence qui se déploie génération après génération, les uns montant sur les épaules des autres pour penser et agir. Au fond, Notre-Dame n'appartient à personne, et je ne le dis pas pour blesser la foi catholique, qui y célèbre ses cultes, pas davantage que les pyramides sur le plateau de Gizeh appartiendraient à je ne sais quel culte pharaonique. Notre-Dame est d'ailleurs, et avant toute chose, quelque chose qui a à voir avec l'humanité universelle, je viens de le dire, celle de la science et du savoir. Si vous regardez les dates, 1200, 1100, bref, ça a duré le temps qu'il fallait, c'est peu après le retour des croisades. Et l'Occident chrétien était entré en contact avec le renouveau des sciences, avait connu une phase de renouveau des sciences et de l'intelligence liée directement, et ce sera le seul effet bénéfique des croisades, à tout ce qu'on pouvait ramener de savoir. Les vitraux que l'on voit, c'est de la chimie. Elle n'existait pas avant cela. La capacité à monter une nef à 33 mètres de haut en faisant des calculs, c'est de la physique. On n'était pas capable jusque-là de le faire puisqu'on faisait des voûtes romanes, je ne veux pas les déprécier, mais disons que sur le plan architectural, c'est une toute autre paire de manches de faire un établissement, une hauteur de voûte pareille. Je prends ces deux exemples, je pourrais en prendre d'innombrables autres. Ça, c'est pour le côté connexion entre le vieux souvenir des basiliques romaines où l'on débattait, l'idée d'une machine à prier qui fût splendide, installée sur la trajectoire du soleil, d'Orient en Occident, et ainsi de suite. Et mais c'est aussi un bâtiment politique, Notre-Dame. Souvent, on l'oublie. Les premiers états généraux qui se sont tenus dans ce pays, à l'appel de Philippe le Bel, se sont tenus dans Notre-Dame. Et l'humour de l'histoire, bien français, c'est que le roi les avait convoqués pour les pousser tous à le soutenir dans une bataille qu'il menait contre le pape Boniface VIII, qui prétendait dans sa bulle consulta fili, il prétendait que les rois devaient obéir au temporel et que lui, le pape, y commandait, puisqu'il commandait au spirituel. Et le roi de France répond, pas du tout, moi, c'est Dieu qui m'a nommé, s'il y a un hérétique dans cette histoire, c'est vous. Et donc, c'est la première bataille à laquelle on assiste, politique, où un roi de France, le pouvoir politique, prétend qu'il ne reçoit pas d'ordre de l'Église et de son chef. Alors, évidemment, je ne voudrais pas en faire une bataille laïque, mais bref, ça a eu lieu là, et les États généraux, à nouveau, ceux de 1789, vont faire un tour par la cathédrale pour dire ce qu'ils ont à dire. Bref, c'est pour vous dire que ce bâtiment parle à notre esprit, parle à notre cœur, parle à notre capacité d'amour de la philosophie et du savoir. Tout ceci ayant été dit, ça vaut la peine donc, en effet, qu'on la réhabilite. C'est la deuxième fois, hein, je le signale, que Notre-Dame brûle, parce que j'ai lu bien des fois que non, ça n'avait jamais brûlé. Eh bien si, ça a déjà brûlé en 1235. En tout cas, c'est Viollet-le-Duc qui le dit, parce que comme lui s'est chargé d'une réhabilitation, il a retrouvé les traces de l'incendie. Et sans doute que cet incendie était une punition méritée, parce qu'à l'époque, le roi, c'est Louis IX, canonisé d'autant plus étrangement qu'il est l'inventeur du percement de la langue au fer rouge pour les hérétiques, celui qui a imposé aux Juifs le port de la rouelle et inventé les premiers autodafés de Torah. Bon, c'est comme ça. Cette histoire-là, elle bouillonne. Et elle bouillonne, c'est celle du temps long. Et forcément, elle nous parle. Maintenant, je viens à ce qui est plus trivial, l'actualité. Pourquoi sommes-nous hostiles à ce texte? C'est que tout bien pesé, on se demande pourquoi il en faudrait un. Et nous voudrons, à cette occasion, vous rappeler que la meilleure manière de réhabiliter les bâtiments, c'est d'empêcher qu'ils brûlent. Or, dans le cas de Notre-Dame, les alertes, depuis, ce qu'on a pu lire depuis, sont terribles. Il semble bien qu'il ait fallu plus d'une demi-heure pour interpréter les premiers signaux qui avaient été donnés de l'alerte au feu, qu'au lieu de deux personnes pour surveiller, il n'y en avait qu'une. Et qu'enfin, lorsque on s'y est mis, avec toute la bravoure et l'intelligence qui a été celle des services de sécurité, on n'en est pas tiré de leçon, peut-être pour d'autres bâtiments. Je ne sais pas, monsieur le ministre, peut-être que vous me répondrez sur ce point pour me démentir, mais j'ai lu dans une enquête qu'il n'y avait pas de point feu ni d'alerte pour tous les travaux particuliers que font les ouvriers sur ce type de chantier, lorsqu'il s'y fait du meulage et autres activités qui peuvent faire craindre la contagion par incendie, fût-ce de manière diffuse. Bref, la bonne façon, c'est d'avoir des crédits qui permettent de faire en sorte que la sécurité des bâtiments soit assurée. Ce n'est pas le cas et les budgets qui sont votés ne permettent pas de penser que ça le sera pour la suite. Après cela, je vous dirai encore bien volontiers que nous ne sommes pas d'accord avec cette idée que les dons soient à 75% restitués sous forme de crédit d'impôt. Nous ne sommes pas d'accord. Nous y avons réfléchi. Déjà, nous avons un sérieux doute, d'une manière générale, sur la forme de privatisation de l'impôt qui consiste, pour celui qui les paye, à choisir ce qu'il ne paiera pas, ou ce à quoi il dédie une dépense de l'impôt, parce que c'est ça que ça revient. Mais là, dans le cas précis, si vous voulez bien y réfléchir, je voudrais dire que c'est une forme de don forcé. Supposez quelqu'un, bon contribuable, payant ses impôts après les avoir déclarés, eh bien, il paye ses impôts pour pourvoir à la dépense commune. La dépense commune sera grévée de ses dons, puisque le don est payé par l'impôt des autres. Si 75% est dégrévé d'impôts, cela signifie que cette somme, qui ne sera pas dans les impôts collectés, est à la charge de tous les autres. Pour quelle raison? Mais n'en souriez pas, c'est le principe même du dégrèvement d'impôts. Non, mais on a le droit de penser que c'est une bonne chose de dégréver d'impôts des dons à Notre-Dame, pourquoi pas, mais ça ne vaut pas la peine qu'on en sourie. C'est tout dégrèvement d'impôts est mis à la charge du reste des contribuables. C'est quand même le principe de base de ce système, et c'est la raison pourquoi nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que le don est le don et qu'il n'a pas besoin d'être récompensé. Voilà. Au demeurant, les gens qui font des dons, il y en a qui ne paient pas d'impôts et qui ne seront dégrévés de rien du tout. Ce n'est pas juste. Enfin, ceux qui, de l'étranger, nous font des dons, ne sont pas non plus dans leur pays dégrévés d'impôts pour avoir fait un don à Notre-Dame. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle cette institution particulière est inventée à cet instant, précisément pour un bâtiment et une cause. Même si je suis de ceux, ainsi que tout mon groupe, qui souhaitent, bien sûr, que ce bâtiment soit rétabli dans toute sa splendeur et sa gloire, on verra comment, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des polémiques sur comment faire. Là, vous n'y êtes pour rien, monsieur le ministre. Je n'en vis pas votre situation, entre les anciens et les modernes, les vieilles querelles. Que va-t-on faire? On ne pourra pas reconstituer la charpente, ça, tout le monde l'a compris, telle qu'elle était. Faut-il y mettre des matériaux absolument nouveaux et modernes? Dans mon propre groupe, la discussion a très vite pris feu, si j'ose dire. Certains disant, ben, puisque quand Notre-Dame a été construite, eh ben, on y a fait ce qu'il y avait de meilleur à l'époque, il n'y a qu'à faire la même chose aujourd'hui, et que la nouvelle construction célèbre par des matériaux radicalement nouveaux, etc., etc. Ce débat va être, comme d'habitude, très français, c'est-à-dire qu'il paraîtra superficiel, mais qu'en réalité, il posera des questions philosophiques de fond. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelque chose à cette étape. Je crois que c'est trop tôt, peut-être, hein, la décision n'en est pas encore là. En attendant, j'en reste au fond de ce que j'étais en train de dire. Donc, on va dégréver. Et le rapporteur, qui dispose certainement d'informations, l'un des rapporteurs, pardon, madame, nous dit, attention, ne tenez pas de propos anxiogènes. Qu'est-ce qui se passe, là, les amis? J'ai lu qu'il n'y avait que 9% des dons qui avaient été annoncés à forçons de trompe, que 9% seulement des dons sont venus. Que s'est-il passé? Tous ces gens qui avaient fait si grand bruit pour annoncer qu'ils donnaient des sommes considérables, etc., ont changé d'avis. J'avais bien vu que leur gestionnaire était passé juste derrière pour dire que eux, ils demandaient que ce soit plutôt du 95% de remises qui leur sont faites. Si ça n'est pas le cas, vous allez nous dire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas craindre le surdon, hein. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on craint le sous-don. J'ajoute que, dans le même état d'esprit, je ne vois pas pourquoi, si l'on fait appel aux dons, pourquoi les collectivités auraient la possibilité de participer au financement dû à la réhabilitation de cet établissement, alors même que l'État ne prend pas sa part de responsabilité. Alors pourquoi les collectivités, elles, qui sont aussi choses publiques, devraient-elles le faire? Au nom de quoi? Voilà, j'ai dit nos arguments. J'espère vous avoir montré au moins que ce n'est pas animadversion contre ce bâtiment, quoique, vous savez, ça a existé, hein. Non, mais ça a existé. J'ai lu des auteurs, parce qu'on cite toujours à cette tribune les gens qui chantent les louanges du bâtiment. Moi, j'en connais deux, trois qui étaient absolument contre. D'ailleurs, il y a eu un moment de l'histoire du bâtiment où il était dans un tel état qu'on s'était même demandé si on allait continuer à le laisser vivre, hein. Si on a beaucoup cité Victor Hugo à cette tribune, c'est parce qu'il a mouillé la chemise pour qu'il en soit autrement, comme ça avait été le cas pour les arènes de Lutèce. Là, nous faisons un choix collectif. Ma parole est destinée, monsieur le ministre, à exprimer dans une motion, parce que c'est le procédé qui est mis à notre disposition, un rejet de principe sur une idée que nous trouvons mauvaise, ce cadeau d'impôt. Mais, monsieur le ministre, je ne vous en voudrai jamais, aucun d'entre nous ne vous en voudra jamais de faire quelque chose pour ce bâtiment et d'organiser le travail comme il doit l'être pour qu'il soit réhabilité. Nous ne sommes pas d'accord sur les moyens, ça ne nous empêche pas d'être d'accord sur la fin. Voilà. Mes derniers mots seront pour dire que quand quelqu'un de ma conviction vous dit ce qu'il vous dit, c'est aussi une manière de témoigner pour tous ces Français qui, sans partager la foi qui s'y pratique, ou sans vouloir en parler, restent attachés à ce que nous pouvons avoir tous en commun, qui se traduit notamment par des œuvres qui traversent le temps. Puisse Notre-Dame être réhabilitée et durer encore au moins 8 siècles. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Le Bruit qui court. Alors cette semaine, on était à Strasbourg pour notre première session plénière en tant que eurodéputé français. On va vous expliquer un peu tout ça, la plénière à Strasbourg, le lien avec l'hémicycle aussi à Bruxelles. Et puis cette semaine, on a aussi beaucoup parlé de l'Union européenne dans l'actualité, parce qu'il y a eu l'attribution des principaux postes au niveau européen dans un beau déni démocratique. On va se débriefer tout ça. Et si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les prochains épisodes de Le Bruit qui court. Allez, c'est parti, on lance le générique. Alors pendant qu'on est réunis cette semaine, en réalité, on avait tous les yeux tournés ici à Strasbourg vers Bruxelles. Vous avez peut-être entendu parler, cette semaine, c'était l'Union européenne était dans l'actualité parce que les grands dirigeants européens devaient se partager ce qu'on appelle les top jobs. C'est l'attribution des plus hauts postes au niveau européen. On s'en était rapidement parlé la dernière fois, notamment la présidence de la Commission européenne, la présidence de la Banque centrale européenne, la présidence du Conseil européen, on va y revenir dessus. Mais honnêtement, la première impression qu'on avait, c'est qu'on est ici, réunis à Strasbourg, on est les représentants du peuple, et qu'en réalité, on attendait tous la décision du conclave réuni là-bas à Bruxelles, on attendait la fumée blanche, que les États européens finalement décident du sort de l'Union européenne sans nous. Sans les représentants du peuple, ceux qui sont issus directement de la souveraineté populaire, ceux pour qui vous avez voté. Et donc, ce qui était assez frappant, notamment pour cette première réunion et cette première session plénière, c'est qu'on attendait ces décisions européennes. Alors, ces décisions, elles ont fini par tomber. Donc, je vais vous présenter nos nouveaux copains, ceux qui ont une légitimité populaire assez limitée, puisque leurs noms ont été décidés par les dirigeants européens, par les Macron, les Merkel, etc. Donc, en réalité, il y a eu beaucoup de noms qui ont été circulés. Nous-mêmes, on avait du mal à s'y retrouver. C'était chacun essayer de... Merkel a essayé de donner un nom. Et puis après, Emmanuel Macron a essayé de donner des noms. Puis tout le monde a essayé de sortir des noms du chapeau. Et puis finalement, alors ceux qui sont sortis du chapeau, je vous les présente. On a la nouvelle présidente de la Commission européenne qui s'appelle Ursula von der Leyen, alors celle qui fait suite à Jean-Claude Juncker, qui était jusqu'à présent le président de la Commission européenne. Vous savez, Jean-Claude Juncker, on le connaît bien, parce que c'était l'ancien Premier ministre luxembourgeois, celui qui avait été notamment impliqué dans un grand scandale d'évasion fiscale. Et donc, Ursula von der Leyen, c'est l'ancienne ministre allemande de la Défense, assez inconnue au niveau européen, pour être honnête. Et un de ses faits d'armes, c'est notamment d'être favorable à l'OTAN. Vous savez, cette alliance militaire à la tête de laquelle se trouvent les États-Unis de Donald Trump, et donc qui, je pense, va préparer encore plus l'Europe de la défense arrimée à l'OTAN et qui devient, en quelque sorte, l'Europe de la guerre. Donc, ceux qui viennent d'être désignés là, à la Commission européenne, et Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne, il n'y a qu'eux qui pourront proposer des nouveaux projets de loi, de projets de légiférer. Donc, c'est important qu'on discute de leur nom. Et sur cette présidence de la Commission européenne, nous, les députés européens, issus de la souveraineté populaire, on aura juste le pouvoir de dire oui ou non à la prochaine session plénière qui aura lieu exceptionnellement dans 15 jours avant qu'on se quitte pour les grandes vacances. Et je peux vous dire, on se donne rendez-vous dans 15 jours, que ces mêmes groupes, les sociodémocrates, les Verts, la droite européenne, eh bien, ils vont voter comme un seul homme pour Ursula von der Leyen, comme présidente de la Commission européenne, qui va continuer ces mêmes potions libérales qui ont été jusqu'à présent imposées par la précédente Commission européenne. Dans les autres noms qui ont été sortis du chapeau, il y a Charles Michel, qui est le Premier ministre belge, à la présidence du Conseil, du Conseil qui va présider les États membres de l'Union européenne. Et c'est un peu le double de Macron. Charles Michel, il a notamment soutenu sa politique et la liste renaissance d'Emmanuel Macron. Ensuite, comme président, ou plutôt présidente de la Banque Centrale Européenne, ils ont nommé Christine Lagarde. Alors Christine Lagarde, on la connaît un peu mieux en France, c'est l'ancienne présidente du Fonds Monétaire International. Elle était aussi ministre en France sous Sarkozy. Et Elle a un fait d'armes, Christine Lagarde, c'est tant au Fonds monétaire international que quand elle était ministre sous Sarkozy, elle défend les politiques d'austérité. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle va importer ces potions-là libérales, notamment celles qu'elle a imposées aux pays en développement dans le cadre du Fonds monétaire international, au sein même de l'Union européenne. Puis, pour la petite anecdote, quand même, on a tendance à oublier, et personne n'en a ici parlé au niveau européen, c'est que Christine Lagarde, en termes de probité, vous faites un peu mieux. Elle a été notamment condamnée dans l'affaire Tapie, Bernard Tapie, pour traitement de faveur. Donc, tout va bien. On a à la tête de la Banque Centrale Européenne quelqu'un qui a quand même été condamné pour traitement de faveur. Moi, j'ai pas vraiment envie de lui donner le contrôle de la politique monétaire européenne. Et ce, d'autant plus que ça fait partie des enjeux sur lesquels nous, on a fait campagne. C'est que la Banque Centrale Européenne, nous, les parlementaires, on n'a pas de pouvoir sur elle. Hein. Donc, on peut pas avoir de pouvoir sur la politique monétaire, comment, quelle politique de relance on veut faire, les taux de change, comment on peut investir dans l'économie. C'est le monopole de la Banque Centrale Européenne. Et ensuite, le dernier qui a été sorti du chapeau, c'est pour la présidence du Parlement européen, donc le président des parlementaires de nous, ici au Parlement, c'est David Sassoli. Alors David Sassoli, on va un petit peu plus s'en parler, on va aller faire un petit tour devant l'hémicycle pour que je vous raconte ce qui s'est passé vraiment dans l'hémicycle cette semaine. Alors ici, on est dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Vous aviez déjà eu l'occasion de voir celui à Bruxelles. Donc ici, c'est ma place, c'est là que je siège, avec évidemment le reste de la délégation de la France insoumise. Alors sans surprise, hein, vous nous trouvez à une extrémité du Parlement européen. En face de nous, on a les fachos. On a les fachos et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez d'ici, je ne sais pas si tu arrives à filmer Mathieu. Ils sont tous venus avec leur petit drapeau de la France qu'ils ont laissé là-bas. Donc ça fait un peu bizarre de les avoir en face de nous. Là, la session est terminée, donc évidemment, il n'y a plus personne dans l'hémicycle. Mais je peux aussi vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et mes premières impressions. Ce qui est un peu bizarre, je vous parlais de ce débat sur les top jobs, comment ils sont attribués et tout. Et nous, on avait notre entrée parlementaire mardi. Alors, on est officiellement député depuis mardi. Et en fait, on a eu une session assez lunaire. Enfin, nous, en tant que nouveaux élus, on n'a pas vraiment compris. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a siégé 20 minutes pour dire en gros « Bonjour, coucou tout le monde, vous êtes élu député, c'est formidable. » Et puis merci, au revoir. Et en fait, on est revenu que le lendemain, donc on a attendu 24 heures avant de voter sur la présidence du Parlement européen. Nous, là, les 750 députés, bah, on a décidé de se laisser faire prendre en otage et de ne pas voter dès mardi sur la présidence du Parlement européen. Donc on a attendu mercredi. Mercredi, il y a eu plusieurs candidats, dont celui qui a été élu, David Sassoli, qui est donc un Italien social-démocrate, comme l'avaient prévu nos dirigeants à Bruxelles. Sauf qu'en fait, ça n'était pas été si simple que cela. Il aurait dû être élu avec plus de 450 voix, le soutien des sociaux-démocrates, le soutien des libéraux d'Emmanuel Macron et de la droite. Et en réalité, il a eu moins de 300 voix, enfin autour de 300 voix, c'est-à-dire pas la majorité absolue. Pour pouvoir l'emporter, il a fallu avoir un second tour de scrutin et qu'ils aillent un peu remettre dans le rang, notamment chez les sociaux-démocrates, pour s'assurer qu'ils votent pour lui. Donc au final, on a David Sassoli qui a été élu président du Parlement européen au deuxième tour, un social-démocrate qui notamment s'est fait connaître pour avoir défendu le fameux paquet ferroviaire. Vous vous souvenez, on en a un peu parlé pendant la campagne, cette grande réforme qui a conduit à privatiser notamment le fret et le transport de voyageurs, donc à mettre davantage de camions sur les routes, à fermer les petites gares, les petites lignes de train. C'est lui qui est notre nouveau président. Vous vous doutez bien que c'est un président que nous n'avons pas choisi à la France Insoumise et nous n'avons pas voté pour lui. Je note quand même qu'il a été donc élu avec la voix des libéraux, des sociaux-démocrates et de la droite, tous ceux qui le disaient qu'ils ne voteraient pas ensemble. Pendant la campagne, il a fallu 24 heures de siège au Parlement européen pour qu'il le fasse. Alors là, on est dans les couloirs du Parlement. C'est assez joli, on doit dire. On est juste à côté de l'entrée de l'hémicycle. On est dans le bâtiment principal, qui n'est pas le bâtiment là où on a nos bureaux, qui sont à l'autre bout du Parlement. Et la raison pour laquelle on voulait aussi être en dehors de l'hémicycle et même en dehors de ce Parlement européen, c'est pour vous dire que pour nous, on conçoit ce mandat comme un mandat où on est autant présent à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement européen. Et on a essayé de l'impulser dès cette première semaine de mandat officiel. Déjà d'abord, pendant qu'ils se disputaient tous ensemble pour savoir qui va occuper quel poste, et que finalement ils parlaient très peu de projets politiques, c'était vraiment un débat de personnes, et pendant qu'ils s'écharpent sur des postes, et ben nous on a essayé de faire de la politique. On a initié au sein de notre groupe, de la gauche unitaire européenne auquel on appartient, une feuille de route politique qu'on a coordonnée avec la France insoumise pour le groupe et qu'on a présentée cette semaine en conférence de presse et qui présente les 10 demandes clés qu'on va adresser à la présidence de la Commission européenne et à la présidence du Parlement européen et qui sont les 10 priorités que l'Union européenne, les institutions européennes doivent engager. Parmi celles-là, vous allez retrouver notamment la création d'une commission spéciale sur l'urgence climatique, l'ambition de se doter de 100% d'énergie renouvelable, évidemment de se débarrasser des accords de libre-échange, du Mercosur notamment, on va s'en dire un mot, la nécessité de faire une liste de paradis fiscaux crédibles, bref, des priorités politiques que vous connaissez assez bien, qui sont celles qu'on a défendues pendant la campagne pour les élections européennes, et que finalement qui aboutit à ce document qu'on a présenté à la presse cette semaine et dont on est assez fiers parce que au final, nous sommes certes un groupe minoritaire au Parlement européen, mais le seul groupe qui a présenté une telle feuille de route politique et qui finalement revient à ce qu'est la politique au sens noble et originel du terme, c'est-à-dire un débat d'idées et on sait pourquoi on siège dans ce Parlement européen. Et on sait pourquoi on siège aussi dans ce Parlement européen dès la première session. Cette semaine, on a aussi voulu montrer notre solidarité avec Carola Rackete, qui, vous savez, c'est cette capitaine de navire de l'ONG Sea-Watch, qui a été emprisonnée par Salvini en Italie. Son seul crime, avoir sauvé avec son bateau et son ONG des migrants qui se noyaient en Méditerranée, qui crevaient en Méditerranée. Et donc, celle qu'on devrait saluer comme héroïne, elle était poursuivie en justice par l'Italie et par Salvini. Vous avez sans doute suivi l'actualité sur le sujet cette semaine. Elle a finalement été libérée plus tard dans la semaine. On s'en félicite évidemment. Mais quelle menace pour les droits de l'homme cela fait peser quand vous sauvez des vies d'un côté et que vous risquez d'être poursuivi en justice de l'autre. Donc on a appelé à la solidarité de l'Europe entière vis-à-vis de Carola Rackete, du travail fait par les ONG en Méditerranée. Ça nous a donné l'occasion aussi de demander un corps civil de sauvetage en mer pour sauver les vies humaines en mer. Et puis cette semaine aussi, dès le premier jour, on a organisé un petit rassemblement symbolique, mais qui est fort de sens et de signification. On a invité aussi nos autres collègues députés de notre groupe devant le Parlement européen, donc à l'extérieur, pour briser ces murs du Parlement européen contre le Mercosur. Vous savez, cet accord de libre-échange dont on parle pas mal ces dernières semaines entre l'Union européenne et un certain nombre d'États d'Amérique latine, membres du Mercosur, dont l'Argentine, dont le Brésil. Cet accord qui est climaticide, parce que concrètement, ça veut dire continue ce grand déménagement du monde où les produits font trois fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre assiette. Le Brésil autorise plusieurs dizaines de pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Vous allez être ravis aussi de manger de la viande aux OGM qui a été produite en Argentine. Cet accord est un drame pour nos agriculteurs, notamment en France, qui vont faire face à une compétition déloyale, pour nos viticulteurs aussi. Et donc, évidemment, on doit se mobiliser contre cet accord de libre-échange. Il sera voté in fine dans cette enceinte. Vous pouvez compter sur nous pour voter contre, pour se mobiliser, mais aussi pour se mobiliser en dehors, avec les associations, avec la société civile. Et c'est ça qu'on a voulu aussi marquer pour cette première semaine de mandat. On vous avait promis d'être des députés de combat. On essaie autant que faire se peut de faire honneur au mandat que vous nous avez confié et surtout de briser ces murs immenses entre le Parlement européen et l'extérieur, parce que je dois vous dire qu'une de mes premières impressions aussi, c'est que on peut très vite se retrouver enfermé dans cette enceinte. Ici, on a une banque, on a de quoi manger, on a une pharmacie. Bref, on peut tous vivre dans une forme de monde parallèle. Et notre objectif, c'est de garder cette connexion avec la vraie vie et les combats que l'on porte. Et les combats contre les traités de libre-échange en font une partie intégrante. Donc c'est que le début du combat, il va se passer des semaines entières et des mois entiers, notamment à batailler ici dans les commissions au Parlement européen, puis en session plénière. On vient d'avoir le premier draft du document du Mercosur. On aura l'accord complet qui fera plus de 1000 pages. Comptez sur nous pour le décortiquer, dénicher tous les crimes climatiques, tous les crimes agricoles, tous les crimes